séparés. Deux cœurs, deux amours peuvent toujours s'oublier. Je ne te cherche plus. Toi et moi, c'était pourtant bien. La vie chantait nos voeux. C'est ça, ouais. Tout est bien qui finit mal. C'est notre histoire à toi et moi. Tout est bien qui finit mal. C'est trop tard.